ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Les yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Les yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Car sans yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Les yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Yen, ghetto, ghetto, car sans yen, ghetto, ghetto. Pour ceux qui aiment voir les flics dans du plat, qu'envoient des coups de plat, qui se tapent du cash, qui font des coups de chat, du son pour mes plats, au microphone frappe. Cassoyenne, bois la B94 de style casse, Bob, père, fracas, j'suis prêt pour le braquage. Mon clan saccage, un déglié, une sorte de la cage. Son pour chacal, bloqué en mode placard, d'Alger jusqu'à Dakar, des flingues sous les trois quarts. Sa bata, mon style sale rata. Sorti droit de la carte, fous tes couilles sur la table. Fous tes couilles sur la table, mec. Hey, c'est pas de la dirty, non, ok. Pas inventé, bande d'enculé. Cassoyen, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Ghetto, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Cassoyen, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. J'arrive dans le discret, c'est bis sur bisret. Le kick de moi taille, capuche toujours discret. Outlaws comme Tupac, fuck fuck les poucas. Fuck fuck la poulaille, clic clic mes pare-balles. Un décret sur ta gare, les rues toujours macabres. Les yens et les macabres, en défilé de braquage. Charognard des rapaces, mon public des rapages. Boum boum des cadavres, Marocco macadam. Y'avait Tupac et Biggie, y'a ce Schneid, y'a 50. Y'a mon gang qui me félicite, y'a ma street qui me plébiscite. Get get c'est criminel, get crimi criminel. L'état toujours criminel, 400 yens c'est criminel. Get get c'est criminel, get crimi criminel. L'état toujours criminel, 400 yens c'est criminel. Criminel. Cassoyen, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Ghetto, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Cassoyen, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Ghetto, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto. Les yens, ghetto, ghetto, cassoyen, ghetto, ghetto.